J'aurais bien dormi encore un peu, mais le réveil a déjà sonné. La nuit a été si courte, j'arrive pas à me lever. Non, vraiment, c'est pas humain. Pourquoi se lever tous les matins? Si on restait couché, si on restait couché. Pas besoin de le défaire. Non, vraiment, je suis pas fainéant. Pourquoi se lever tous les matins? Si on restait couché, Mais le réveil en train de s'affoler laisse filer toutes ces minutes. Je pourrais pas les rattraper. Non, vraiment, je suis pas fainéant. Je comprends pas. De toute façon, maintenant, c'est trop tard. De toute façon, maintenant, si je me lève maintenant, je vais arriver en retard, et ça, je supporte pas.